Hallontaine, Hallontaine. Sommes-nous à l'antenne, à l'antenne? Je crois que oui. Bonne nouvelle. Bonjour. Voilà, les vérifications sont faites. Nous sommes on air. Et c'est Cargo Culte. Voilà, de 10h30 à midi, on est ensemble une heure et demie. Bah oui, une heure et demie, c'est pas trop pour parler du disque du jour. DOA par Robin Grissel, le fameux Death on Arrival. Robin Grissel mériterait 10 Cargo Cultes à lui tout seul, si vous voulez. C'est même une telle évidence. Autant même dire qu'aujourd'hui, je sais pas, on est à peu près dans le disque culte des disques cultes. Alors non pas que d'ailleurs le disque était un succès de facto, vraiment pas. Robin Grissel, dont j'aime plaire ici à rappeler un petit peu la mythologie. Je sais qu'elle est très connue hein, pour beaucoup des auditeurs qui composent Pinode. Parce que effectivement, TG, parce que les intimes disent TG finalement, TJ, TG, Robin Grissel, fait partie de ces groupes. Et puis le disque qu'on va dépioter un petit peu aujourd'hui, peut-être encore plus que les autres, ce truc qui arrive, voilà. Il y a un avant. Il y a un après. Et quand un truc comme ça vous tombe dans les mains, que vous le découvriez d'ailleurs en 78 quand c'est sorti, ou bien 10 ans après, peu importe la génération, bah, tout d'un coup, on ne voit plus la musique autrement, on ne voit plus la musique de la même manière, on n'entend plus de la même manière. Le monde a changé, en tout cas, votre perception du monde a changé. Et si j'évoque ça, ce n'est pas juste un souvenir personnel, c'est pas juste une affect que je mets sur ce disque-là. Il y a des disques que j'écoutais bien plus que celui-là, mais c'était cette évidence pour des gens comme moi et comme plein d'autres que bah, tout d'un coup quelque chose a changé et notre perception de la musique elle va évidemment évoluer. Alors pour bien comprendre Robin Grissel, je pense qu'il faut peut-être remonter un peu à une forme de genèse et comprendre que Robin Grissel c'est une construction artistique avant d'être un concept musical. Et finalement, c'est une construction artistique qu'on complète en ce sens-là. Pour rappel, Robin Grissel, c'est quatre musiciens, c'est quatre personnes. Chris Carter, Peter Christopherson, et le couple maudit, j'ose dire, Genesis Peerage, hein, les amis des IGPO, et Cosé Fanny Tucci. Genesis Peerage est mort cette année, il y a assez récemment d'ailleurs, et puis plusieurs années avant, Peter Christopherson. Donc seuls subsistent aujourd'hui Chris Carter et Cosé Fanny Tucci. Le groupe se forme avec ces quatre personnes, ils en sont les quatre éléments super forts, mais en fait, ils se coalisent sur les deux personnes que sont Genesis Peerage et Cosé Fanny Tucci, qui existent auparavant en tant qu'entité artistique, sous l'appellation Coombe Transmission. Et Coombe Transmission est un pur produit conceptuel sorti d'école d'art et passe en lien direct avec la musique à ce moment-là. Bon, ils le sont très vite, attention. Et ce n'est pas tout à fait un secret d'observer qu'à partir des années 70, ce sera encore plus vrai dans les années 80, toutes les productions musicales un petit peu audacieuses, intéressantes, vont sortir des écoles d'art et pas des conservatoires. Et cela probablement influencé justement par des pichenettes musicales, pour ne pas dire plus fort, comme Robin Grissel. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Coombe Transmission, donc c'est... avec ce jeu de mots à peine déguisé entre cum, le foutre, quoi, le sperme, et la com, la communication. Donc, Coombe Transmission fait du sexe son objet de travail. Et va être à l'apogée de son... J'ose pas d'employer le mot réussite, mais en tout cas l'apogée d'une forme de reconnaissance qui va passer non pas par une reconnaissance, mais en fait par une détestation la plus formelle, avec l'exposition en 1976, Prostitution, ce que j'ai besoin de traduire. Et Prostitution et tout ce travail sur le sexe et la représentation du sexe, en fait, doit à effectivement au couple à l'époque, c'est pas un couple qui va durer. On va pas faire les choux gras à la gala, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler un petit peu d'histoires d'amour ou de désamour qui vont plutôt marquer le From Whistle et puis leur excroissance ensuite. Donc à l'époque, Genesis Peerage, le monsieur, et puis Cosé Fanny Tucci, on sait bien que c'est un pseudonyme, convole pour des jours plus ou moins heureux. Et elle travaille comme stripteaseuse et mannequin aussi pour des magazines, des films porno. Et de facto, elle fait ce job, elle l'intègre dans une réalisation artistique personnelle. Elle récupère toutes les photos qu'elle fait, en fait des collages, c'est les débuts du Xerox Art, ce qu'on appelait le Xerox Art, j'ai un peu du mal à le dire, comme les rangs Xerox, c'est-à-dire qu'on photocopie une page de magazine ou une typographie, puis on la refotocopie. C'est une forme de sérigraphie pré-punk finalement, qui va être commune dans l'esthétique punk, qui va pas tarder à arriver ensuite. Donc elle joue vachement de ça, elle met son corps comme objet d'art. Voilà, elle fait pas de la pornographie un boulot alimentaire qui va payer ses recherches et puis son avant-garde sonore. Non, les deux sont intimement mêlés. En ce sens-là, le travail d'ailleurs est forcément influencé par Genesis Peerage, qui lui dit être maître du projet. Voilà. Alors tout ça se discute, mais je vais référer pas mal aujourd'hui à un livre passionnant. Tout fan de TG doit le lire, mais des non-fans aussi. C'est l'autobiographie assez récente de Cosé Fanny Tutti. Autobiographie qui s'appelle Art, Sex, Music. Voilà, et Art, Sex, Music dit exactement ce que ça dit, et exactement dans cet ordre-là. J'oserais dire que la musique de Flowing Whistle est finalement, peut-être accessoire, en tout cas, elle vient en troisième dans cette position-là. Alors, venons un petit peu à Flowing Whistle, à ce qu'ils sont véritablement, puisque sitôt l'expo prostitution scandaleusement programmée, détestée, mais malgré tout à inscrire d'une croix blanche dans l'art expérimental britannique, Flowing Whistle va naître en 76, et donc articulée autour des quatre personnes que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire Chris Carter et Peter Christopherson, en plus du couple GPO et Cosé Fanny Tucci. Dès 1976, donc c'est leur premier disque, enfin, dès 1976, ils créent Industrial Record. Et en créant Industrial Record, ça, ils ne le savent pas encore, mais de facto, ils vont créer un genre, le fameux genre industriel. Le rock industriel, comme on l'appelait à un moment. Aujourd'hui, tout le monde dit Indus. Voilà, et l'Indus, bah, il est caractérisé par ses références sombres à souhait, sa musique... Cold de chez Cold, et en cela, tout l'art indus, et tout l'indus est fait par TG avant les autres, d'une certaine manière. Donc tout ce qui va suivre va être plus ou moins une déclinaison de ce qu'aura fait TG. Pourquoi ? Alors je vais revenir un petit peu sur les disques, puis je vais aller un peu de l'un à l'autre. Il y a pas mal d'incarnations de Flowing Whistle au point où on s'en perd. Donc moi, je vais me fixer aujourd'hui sur un disque, mais peut-être juste évoquer la première et la véritable incarnation de Flowing Whistle qui finalement tourne autour de trois albums et pas plus. Le premier, c'est le Second Annual Report. Oui, le premier est donc le second. Voilà, même si effectivement, techniquement, il sera bien le second, puisque bien plus tard sera édité ce fameux First Annual Report, mais enfin, dans les années 80 et même 90, il n'existe pas. Alors, en tout cas, il reste au stade d'archives, d'incunables, et il n'est pas défloré. Le deuxième, et le fameux deuxième, qui lui est le Third Annual Report, est le disque du jour, DOA. DOA, c'est un acronyme, Dead on Arrival. C'est-à-dire mort à l'arrivée. C'est ce qui se dit des gens qui arrivent cliniquement morts à l'hôpital alors qu'ils ont été transportés, blessés. Je pense qu'il y a une expression française d'ailleurs pour ça. Bon, ça doit être mort à l'arrivée, mais enfin, voilà. Dead on arrival. Et puis le suivant, remarquable aussi, 20 Funk Jazz Great. Voilà. Et ces trois disques sont les trois disques officiels, oui et non, les trois disques studio, en tout cas les plus aboutis du groupe à sa première période. Quand bien même, en fait, chaque disque, spécialement les deux premiers, mêle du live avec du studio pur et dur. Et on va voir que finalement la frontière est assez délicate avec Flowing Whistle parce que leur studio devient un lieu de performance live et puis quand bien même ils vont pouvoir commencer à alléger un petit peu leur attirail. que bon, la musique tient énorme avec beaucoup d'électronique, beaucoup de homemade, mais beaucoup aussi d'outils high-tech. Ils vont commencer à déménager ça dans plusieurs endroits et puis pouvoir multiplier les performances sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Donc, ce fameux disque, quitte à parler en cliché, j'ai envie de dire que c'est un peu le disque de la maturité. En tout cas, c'est le disque qui consolide From Ingressoll. C'est le disque où là, l'apport des deux derniers, c'est-à-dire Christopherson et surtout Chris Carter, va être essentiel. C'est-à-dire que c'est des geeks hyper éclairés qui vont donner là une touche musicale et là donner le son de TG. Et ce son, vous allez voir, il est extraordinaire et terrifiant à la fois. Et bien sûr, il doit énormément un apport électronique plutôt fin pour l'époque. Mais je détaillerai ça un petit peu après. C'est aussi le disque finalement de quand même qui suit l'immédiate séparation du couple Janis Peerage et Cosey Fanny Tutti. Voilà. Un lien un peu involontaire avec le disque que je chroniquais la semaine dernière, Hear My Dare, de Marvin Gaye, qui était toute une chronique du divorce coûteux de Marvin Gaye avec Anna Gordy. Et je pensais aujourd'hui qu'en tirant la tangente le plus loin possible avec From Ingressoll et DOA, finalement, je serais dans l'antithèse de ce que j'évoquais la semaine dernière. Ben, je me rends compte que non, il y a ce lien, probablement inconscient, mais assez évident, qui tourne autour d'une histoire de couple désenchantée. Et je reviens au bouquin et à l'autobiographie Art, Sex, Music de Cosey, à laquelle je référerai un peu aujourd'hui et que je recommande. Elle fait assez étalage de leur histoire d'amour et qui vire trash, hein, comme le groupe lui-même, si vous voulez. Alors, je ne sais pas, on s'en douterait à moins. Revenons-en à... Alors, de plus en plus à la musique et aux stratégies de communication de groupe. Parce que quand je parle d'un art total, finalement, c'est là-dessus que From Ingressoll est absolument remarquable. Enfin, sur pas mal de points. Leur stratégie de communication, elle est violemment anticommerciale, elle est propagandiste, elle est sardonique. Alors, elle fait appel à des images paramilitaires assez fortes. Janis Peerage collectionne des ustensiles, j'allais dire, enfin des souvenirs nazis, machin. Alors, non, il y a une utilisation outrancière, mais fine aussi, d'images pornographiques. Et ça, c'est beaucoup le registre de Cosey, sadomasochiste, du génocide lui-même. Hein. Je pense au génocide allemand, le logo du label Industrial Record, ça sert à rien d'autre qu'une représentation d'une tour crématoire de Auschwitz. Voilà, c'est l'industrie dans ce qu'elle a de plus dégueulasse. Voilà. Le logo de From Ingressoll est extrêmement... Il est beau, il est prenant, il est lui-même propagandiste. Pour rappel, c'est un éclair blanc sur un fond bichrome, noir et rouge, logo rond comme ça, qui évidemment fait appel à la fois au brassard, à l'imagerie super militaire et presque dictatoriale. Quoi. Donc, TG est fait pour gêner. Évidemment, et rien de cela n'est un hasard, c'est au contraire dûment calculé. À toutes ces images que je décrivais, on peut ajouter celle particulièrement dérangeante et faussement attendrissante de DOA, le disque du jour, donc Dead on Arrival, qui est une image crypto-pédophile évidente. Le recto nous montre donc sur format carré du disque, nous montre un intérieur un petit peu cosy avec une étagère sur lequel trône une chaîne IFI haut de gamme. On sent qu'on est dans un intérieur propre et presque bourgeois. Et puis à la gauche du cadre, il y a une fillette d'une dizaine d'années qui est assise sur une chaise, habillée en petite robe, petite jupette comme ça d'été. Cette fillette se retrouve prise en photo, la jupette relevée dans une image intérieure du disque. Et les 1000 premières copies, elles vont contenir une carte calendrier, puisque le disque paraît à la fin de l'année 2018, et donc il inclut le petit calendrier Industrial Record de 2019, avec cette même fillette qui est donc assise, torse nu, toujours en petite culotte de fillette, sur son lit d'enfant. Voilà. Et il y aura d'autres communications, y compris des posters de promotion, qui vont être réalisés à partir de plusieurs images de cette fillette. Alors, c'est évidemment une image dérangeante. c'est évidemment une image qui est faite pour ça, même si elle est chaste. Et c'est là l'ultime subtilité et l'ultime perversion peut-être de From Hell with Hell. C'est effectivement, c'est de distiller le malaise, mais sans être dans... Ils sont jamais dans le gore, ils sont jamais dans une outrance dégueulasse. Et ça rend le truc peut-être encore plus difficile, parce que effectivement, c'est malin et cynique à la fois. Alors, où commence le malin, où finit le cynique, voilà. La fameuse série de photos qui compose donc DEA et puis ses alias autour de la fillette que je décrivais s'avère être une série de photos qui a été réalisée par Genesis Purge lui-même chez une femme avec laquelle il a eu une aventure et dont la fille, qui était donc dans cet appartement ou dans cette maison, était là et avec qui et qu'il a prise en photo. Quoi. Ouh. Ça interroge un peu sur cette espèce d'attitude de narcissique pervers ou pervers narcissique, d'ailleurs on dirait plutôt dans cet ordre-là, propre, semble-t-il, à la personnalité de GPO, et donc de Genesis Purge. Alors si je dis ça, c'est un petit peu à la lecture de l'autobiographie de Cosey. Mais effectivement, il aurait peut-être fallu une réponse en face, parce que le couple fondateur est devenu un couple très, très destructeur, voire autodestructeur, mais qui du coup a dû, autour duquel le groupe a pu se souder grâce à l'intervention des deux autres. Voilà. Allons peut-être au cœur de la musique maintenant, tout à fait nauséeuse, expérimentale, ironique à souhait, mais j'ai envie de dire tout de suite qu'il y a toujours une forme d'humour chez From Hell with Hell qu'il ne faut jamais oublier. Dans son acceptation la plus dure, en tout cas la plus sardonique finalement, le rock industriel devait déjà tout à ses inventeurs, c'est-à-dire From Hell with Hell. Et les gens qui leur ont suivi ont un peu pris au pied de la lettre ces espèces de détournements d'imagerie crypto, nazis, pédophiles, etc. Ce qui a donné finalement une espèce d'immédiateté dans le suivi industriel par des gens qui étaient juste des rocous, et pas très rigolos pour beaucoup, pas tous évidemment, même si de là, ce sont nées des expressions extrêmement fortes qui continuent à être influentes aujourd'hui. Mais je pense à penser que tout était fait avec From Hell with Hell. Alors, ils le prouveront avec pas mal d'incarnations. J'ai dit volontairement que je me retiendrai à From Hell with Hell de la première époque aujourd'hui, mais enfin, autant quand même dire et insister sur toutes les excroissances qui vont en découler. Cosey Fenituti et Chris Carter vont composer Chris and Cosey, qui va être extrêmement influent aussi, beaucoup dans l'électronique. Bon, Chris et Cosey, de fait, vont aussi être un couple et faire un enfant très vite, donc il y a quelque chose aussi qui tient de l'union. Psychic TV, qui lui va être l'incarnation, une des incarnations de Genesis Purge, et avec Christopherson, va découler de ça aussi immédiatement, dès 81. Et Psychic TV va connaître d'ailleurs plusieurs incarnations, Psychic TV 3 générations, je crois. Et alors, là, des disques, plus d'une vingtaine. Et du coup... autant la discographie officielle à la première période de TG peut se limiter aux trois disques que j'évoquais tout à l'heure, hein, je les rappelle dans l'ordre, le First Annual Report, le DOA d'aujourd'hui et puis le 25th Java, mais autant après les excroissances, les box sets qui vont sortir, les documentations, les concerts, etc., amènent le tout à probablement largement plus de 50 disques. Quoi. Voilà, bon, enfin c'est le propre aussi du jeu de collector comme ça, de trouver des trucs. Allons un petit peu sur la musique de DOA. C'est le seul disque DOA qui est composé par une composition par élément. Alors, il y a plusieurs compos, évidemment. Le disque en compte... ailleurs, pouvez-vous vous dire ça? Oui, il y en a pas mal, dis donc. Il y en a une dizaine. Et voilà, mais il y a par exemple une composition de Genesis Purge lui-même. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'était un violon qui passait dans des délais, des harmoniseurs, avec comme ça une notion de répétition. Il y a un jeu hein, comme ça avec l'outillage, le matos dont je parlais, notamment les manipulations de bandes complètement héritées des avant-gardes minimalistes. Hein. C'est une évidence là-dessus. Il y a un rapport aussi avec le copier-coller qui est évident. Burroughs et Genesis Purge d'ailleurs sont assez copains. Industrial Records va éditer, ça c'est une petite histoire dans l'histoire, des bandes inédites, hein, des archives de Genesis Purge. Donc il y a Il y a un lien, évidemment. Ça nous dit aussi que Flowing Whistle, tout comme Coombe Transmission, ne vient pas de rien. Ça s'affiche comme ça dans le prolongement d'une avant-garde artistique qui est effectivement passée par les beatniks les plus radicaux et par les minimalistes. Cosette, elle, un des morceaux les plus beaux, peut-être les plus tendres du disque. Alors c'est marrant parce que la tendresse chez Flowing Whistle, c'est encore plus douteux et c'est scabreux que la violence ou le cynisme, parce que du coup on se dit, mais mince, là c'est du troisième degré, qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce morceau qui s'appelle Home Time est comme ça tapissé de field recordings avec des voix d'enfants qui jouent et qui paraissent comme ça très apaisées. Voilà. Carter lui va signer un morceau AB7A qui est un titre à la Kraftwerk complètement. C'est intéressant. Il y a un des titres les plus étonnants et désopilants du titre qui est United, mais sur 16 secondes. Alors, explication. United est en fait le titre tube qui était paru sur l'album précédent. Ils voulaient pas de tube, hein, Flowing Whistle, mais ils en ont eu un. Alors bon, c'était pas sur Top of the Pop non plus, mais voilà, il y avait une forme d'airplay à la radio, le morceau faisait danser. Voilà. Et du coup, à la demande quasi générale, ils voulaient que ce morceau figure après sur l'album. Donc, finalement, la seule concession qu'a le groupe, c'était effectivement de mettre le morceau, mais à une vitesse super accélérée et concentrée sur 16 secondes. Voilà. Et enfin, avant l'écoute du disque, je vais forcément mettre l'accent sur le titre le plus étonnant, à l'évidence le meilleur, mais aussi le plus dérangeant de ce disque, c'est Hamburger Lady. Hamburger Lady est un morceau absolument anxiogène, totalement terrifiant. Il me refait l'effet aujourd'hui qu'il me faisait en 1980, ou encore en 90, ou en 2000. C'est un titre dont toute la violence contenue est totalement terrifiante. Et en fait, ce n'est pas du tout un morceau violent, d'ailleurs. Il est en apparence apaisé, mais il raconte une histoire absolument terrible, et qui est en fait une véritable histoire. J.S. Purridge c'est à récupérer comme ça, je ne sais pas trop comment, d'ailleurs, un courrier qu'envoyait un chirurgien qui opère dans l'Oregon aux États-Unis. Et le courrier datait de 1978, hein, donc c'était en pleine fabrication de l'album. Et il évoque cette femme qu'il appelle la Hamburger Lady. Cette femme, elle est brûlée au troisième degré, à un point absolument ignoble que décrit le médecin. Tout son visage est brûlé. Le nez et les oreilles n'existent plus. Les yeux sont plus que des cavités cramées. Elle est un sac de douleurs constant. Il se trouve que les autres organes vitaux ne sont pas du tout touchés. C'est-à-dire que tout le torse, les jambes, tout le reste du corps n'a pas été brûlé. Elle a été juste entièrement brûlée et à un degré absolument ignoble à la tête. Donc, cette femme est sous soins plus qu'intensifs. Elle est droguée de chez droguée sous des chutes de morphine incessantes. Et le médecin, dans ce courrier, dit, voilà, qu'on arrête de me dire qu'à un certain stade de la douleur, on arrive à un seuil où la douleur n'existe plus et on tombe dans l'inconscience. Il prend l'exemple de cette femme pour dire, c'est faux. Et cette femme, malgré tous les antidouleurs, tous les psychotropes et morphines qu'elle peut ingurgiter, n'arrive pas à dormir plus de 3 à 5 minutes, tant la douleur est forte et l'empêche même de dormir. Voilà. Donc le titre Hamburger Lady est en fait une narration de cette histoire-là avec Genesis Purridge qui lit d'une certaine manière ce rapport médical, et le tout accompagné par une musique totalement terrifiante, et celle qui devient le son de Flowing Whistle. Alors justement, on en arrive à ce qui est intéressant, et ce qui a été très peu commenté finalement partout, c'est qu'effectivement, c'est aussi le travail de geek, le vrai travail de studio que va faire Flowing Whistle. Autant les stratégies DIY ont alimenté les débuts du groupe, autant forme d'approche high-tech est assez intéressante et de détournements qui vont être finalement mis à l'œuvre à partir du moment où Chris Carter va rejoindre le groupe. Donc, Flowing Whistle, Flowing Geek, oui, c'est pas faux. faut se rappeler que Carter bosse comme ingénieur du son au bureau de ABC News à Londres. Et il leur construit même leur radio et leur studio complet. Donc, il y a un vrai talent chez Chris Carter, mais il y a aussi, on suppute, c'est dit à demi-mot dans le bouquin de Cosey, qu'il y a eu quelques détournements comme ça de matériel qui finalement ne servaient pas tant que ça ou pas souvent à la radio, mais qui faisaient tout à fait le bonheur du studio. Donc le studio de Flowing Whistle, ils vont l'installer dans la foulée, c'est-à-dire avant l'enregistrement de DOA, dans un vast warehouse à Hackney, à l'est de Londres. Hackney, à ce moment-là, est un endroit qui pue la mort, hein, et c'est pas trop cher d'y arriver. Aujourd'hui, c'est ultra branché, mais c'était pas le cas du tout au milieu des années 60. Et même en 80. Voilà. Carter, donc, va aussi être, parce qu'il est très au fait, hein, je me rappelle avoir lu dans les années 90 des chroniques de Chris Carter dans le magazine Sound on Sound. Voilà, c'est un peu un magazine qui fait loi, comme ça, surtout l'équipement électronique, les synthés, etc. Donc, il sait de quoi il parle, le père Chris Carter. Il va notamment introduire le matériel Boss, c'est-à-dire les pédales d'effet Boss, qui sont toutes nouvelles à l'époque, et il va les introduire principalement à Cosey, qui va alléger un petit peu son matériel. Et elle va se mettre à utiliser la DS-1, la DS-1. Alors la DS-1, c'est une disto, c'est connu comme c'est pas permis, la DS-1, mais je rappelle voilà, qu'au milieu des années 70, on arrive à 76, 77, Boss est donc une marque de Roland, hein, constructeur japonais, qui va créer sa sous-marque de pédales d'effet Boss. Alors aujourd'hui, Boss est hégémonique probablement dans le milieu de la pédale d'effet partout dans le monde, mais évidemment ce n'est pas le cas au départ quand ils arrivent. Donc voilà, eux c'est des early adopters du truc, avec des chorus, des machins, etc. Mais, et cette petite note moi, m'a fait réfléchir parce qu'elle écrit, c'est quasiment sibyllin, mais on apprend, je recite encore Cosey Finitutti, que chacun des membres de Flowing Whistle, donc les quatre membres, possédait un harmonizer H910 d'Eventide. Je suis très geek, hein, mais je fais exprès. Et il y en avait un supplémentaire pour les vocaux. L'Eventide Harmonizer, c'est une machine colossale, extrêmement coûteuse dans les années 70. Ça coûte un bras, ça coûte le prix d'une voiture. Quelques studios y ont accès, c'est des très gros studios, et c'est du matériel avec lequel bosse Tony Visconti ou des gens comme ça, et pour des têtes couronnées du rock, quoi, hein. Jimmy Page et compagnie. Quoi. Donc du coup, qu'un groupe comme ça, qui crée son propre label et son home studio, appelons-le comme ça, possède 5 harmonizers de Eventide en 1978, c'est assez hallucinant. Alors il y a deux explications à ça, évidemment, j'en ai clairement suggéré. Une, c'est que Chris Carter avait accès à du matériel qu'il pouvait comme ça emprunter. Voilà, on peut mettre des guillemets au mot emprunté. Ben, il y a le fait que cette carrière de mannequin, de strippeuse et de porno modèle de Cosey, ben, ça rapporte énormément d'argent. Elle gagne en deux séances photos ce que gagnerait une employée de bureau. Donc effectivement, il y a moyen d'acheter et d'équiper le matériel. Voilà. Et ce matériel va lui-même être upgradé par les soins de Carter, mais Christopherson aussi. Quoi. Donc il y a une logique comme ça, extrêmement savante, de fabrication du son et du studio par Flowing Whistle. Et j'ose même un rapprochement avec finalement ce qu'on appellera bien plus tard le glitch. Si vous déréglez, en tout cas si vous réglez mal, entre guillemets, l'Eventide et l'Harmonizer, c'est un effet digital, c'est le premier effet digital mis sur le marché des gros studios, l'Harmonizer H910. Ben, c'est une machine à glitch. Et alors, le glitch, c'est un concept qui arrive à la fin des années 90, on le sait bien, et qui va commencer justement à exploiter l'erreur, la scorie, comme ça, digitale, du matériel informatique, ou bien des computers, et puis des effets digitaux qui pouvaient être utilisés dans cette post-techno des années 90 et 2000. Mais il est remarquable, et là-dessus, maintenant, avec ce que je vous dis en tête, écoutez à peu près l'ensemble de cet album-là, et spécialement le morceau terrifiant Hamburger Lady, vous allez voir que tout est dans une exploitation de glitch du matériel. Et à l'évidence, effectivement, le fameux Harmonizer H910, ils sont passés la guitare, ils sont passés une nappe avec l'Harmonizer descendant, c'est-à-dire que vous pouvez faire un octaveur en fait et descendre un son en dessous, il y a un son très très grave comme ça dans ce morceau-là, et puis la voix elle-même qui est passée dans l'Harmonizer. Voilà. Pour l'explication la plus geek du jour autour du disque le plus un disque geek, ma foi, le voir sous cet angle geek, ça nous dit pas mal de choses. 50 minutes autour de ce disque avec un petit bonus dont je vous parlerai tout à l'heure. On va tout de suite commencer maintenant avec ce disque. Il était temps que je vous lâche, sinon une demi-heure que je parle quand même de ce groupe culte parmi les groupes cultes de chez Toujours. Bonne écoute et à tout à l'heure. DOA, Fabien Gussel, évidemment. Oh. Ouais. Non, moi, il est cool, je fais là. Non, bon, je sais pas, c'est sûr. He's the sort of guy that likes to be pushed against the wall and say, listen, you cunt, you fuck me around too much. You fucking wiggle your bum once too often. Just get away from me. I'm gonna go get some more. Thank you. You didn't see me weeping on the floor. Right.

et un disque du bonheur, encore un sur Cargo Cult. Blood on the Floor, la conclusion de Death on Arrival, Dead on Arrival, From Gristle en 1978. Alors, fausse conclusion d'ailleurs, puisque j'ai une petite bonus track, ça a été réédité par la suite finalement, qui va un peu compléter notre propos là. Voilà, alors toute information mise à part, j'essaie de déflorer, entre guillemets, une expression déflorée convient pas mal d'ailleurs à l'humeur de ce disque, et particulièrement la pochette et le contenu crypto-pédophile des images de cet album. Mais tout ça garde un mystère absolument insondable, c'est aussi ça qui est extraordinaire dans ce disque, et bien sûr, plus de 40 ans après, garde comme ça une force insidieuse, pervers certes, mais habile, sublime, ce faux mélange foutraque de compositions absolument éclairées, de field recordings, d'expérimentation électronique pure, et de textes, quoi, de chansons aussi, parce que finalement, envisager Flowing Gristle un grand choc contre-culturel, c'est une chose, mais il y a aussi dans leur rapport à la musique une vraie réponse du loup à la bergère, j'ai envie de dire, et réciproquement finalement. On reste dans un hommage finalement à la pop, aux chansons, au rock, voilà, tout ça est fondamentalement rock, mais passé au moulinet d'un art conceptuel, hein, issu finalement des écoles d'art plus que des écoles de musique, ça c'est une évidence, je le disais au début. Mais c'est un petit peu le motto de Flowing Gristle, et qui mettra le pied à l'étrier finalement à d'autres générations comme ça, arty punk, qui vont faire les beaux jours finalement des musiques qui vont les suivre. Hein. Alors pas seulement électronique, mais finalement pas mal. J'aurai le temps, on va sortir avec deux bonus tracks. Alors le premier bonus moment, il est presque attendu, puisqu'en fait il est devenu finalement un deuxième contenu officiel de cet album quand il a été réédité en CD, et c'est vrai qu'il a été très avantageusement complété par un disque qui était très très rare, comme l'étaient d'ailleurs toutes les productions de ce label à l'époque, en tout cas l'était si on n'était pas à côté, et surtout si on n'était pas français. C'est le label Sordide Sentimental, très intéressant, qui faisait en fait plus que des disques, il faisait des publications avec des super illustrations, et dans la foulée de DOA, ils ont fait paraître super disque, super single de Flowing Gristle, avec deux morceaux, Five Knuckle Shuffle, qui est assez long, et puis We Hate You Little Girls. Alors il est d'autant plus intéressant ce morceau là qu'il est, c'est une réponse en fait directe au disque et à son contenu iconographique, avec cette fillette qui pose à demi dénudée dans les photos du disque. C'est tout l'art aussi de TG dans ces deux morceaux-là, et je trouve que finalement il ferme avantageusement le disque, comme je le disais. Ah oui, père, je peux pas m'empêcher d'évoquer aussi l'illustration là aussi du fascicule, parce que c'était un petit magazine disque finalement. Et c'était la clique Bazooka, hein, qui s'était mis à la tâche avec une illustration de Kiki Picasso. À moins que ce soit Loulou Picasso, on les confond toujours. Donc, je crois que c'est Loulou d'ailleurs. Voilà. Donc le paradigme de l'esthétique branchée de l'époque, ça va de soi. Mais quand bien même, évidemment, Flowing Gristle était totalement branché. Hein. Je crois que mon premier numéro d'actuel, une nouvelle formule, il y avait une espèce d'énorme reportage sur Flowing Gristle, des photos, alors bien sûr des photos de com du groupe qui excellaient comme ça à dispatcher des images, mais aussi un reportage fait in situ dans leur propre studio, et autour de leur propre matériel qu'on évoquait là. Je vous engage tous, je le répète, c'est même une promo directe sur les bouquins de Cosem, et d'ailleurs il est édité en France aussi, donc n'hésitez pas. Le Art, Sex and Music, une passionnante autobiographie du groupe, mais pas seulement du groupe, évidemment, ça va bien au-delà, à la fois en amont, mais bien sûr en aval du groupe, dont l'existence officielle a été assez courte, quand bien même il y a eu des rebirths plus ou moins opportunistes qui ont constellé l'histoire du groupe. Bon, ben voilà, il n'y a plus que deux survivants à Flowing Gristle aujourd'hui. Carter and Tutti, c'était plus Chris and Cosé, c'est Carter and Tutti, il se produit sous ce ton-là maintenant, avec éventuellement des invités. Ça tient toujours très merveilleusement bien la route, voilà, je tenais à le dire. Donc bravo et merci à Flowing Gristle d'avoir existé. Clairement un avant et un après. Nous voici dans l'après, et c'est donc des bonus tracks, avant que je vous en offre une troisième, elle est beaucoup plus surprenante. On se retrouve dans 8 minutes 30. Yeah. I hate you, little girl. Voilà, c'est screamé là, Jenny Spirit. C'était une performance donc live de 1976. Et bon, je le disais, elle accompagne la réédition de DOA, finalement, pioché dans les archives de Sordide Sentimental, qui avait édité le truc à l'époque, en 78 d'ailleurs, dans la foulée de l'apparition de l'album. C'est la fin, merci d'avoir été attentif à Scargo Cult. Du coup, vous avez mérité une sucrerie, une vraie de vraie. C'est le disque probablement le plus étonnant, en fait, qui soit sorti de Industrial Record. Donc je le rappelle, Industrial Record, bah, c'est le label créé par Flom Grissel, qui de facto, bah, c'est le label qui va donner son nom au genre Indus. Et Industrial Record va sortir parmi toute leur production ça, c'est-à-dire Elizabeth Welch qui chante Stormy Weather. Oui. Alors, et Elizabeth Welch, elle est... pour le rappeler, elle est en fait, elle n'est pas du tout connue en France, mais c'est vrai, c'est une vraie égérie du musical aux États-Unis, spécialement en Angleterre. Elle a migré en Angleterre et c'est quelqu'un qui, des années 30 aux années 90, va chanter des Stormy Weather, chanter du Cole Porter, des choses comme ça. Donc c'est Broadway dans les salons bouffe finalement britanniques. Et cette égérie extrêmement vieillissante, tardissante, parce que forcément, elle commence dans les années 30, elle meurt centenaire, hein, à 100 ans pile, va être le temps d'une adaptation de La Tempête de Shakespeare. Alors, suivez-moi bien, La Tempête de Shakespeare va être adaptée dans un film, une comédie musicale, par Derek Jarman. Derek Jarman, c'est le cinéaste provo-camp par excellence, avec qui, d'ailleurs, Florian Grissel aura eu plusieurs collaborations. Le label Industrial Record se décide, pratiquement à la fin du label, d'ailleurs, à éditer ce 45 tours, absolument totalement incroyable, et doublement easy listening, deux labels, c'est-à-dire de Elizabeth Welch qui chante Stormy Weather. Voilà, c'est une vraie guimauve de sortie. Ça ressemble aussi tout à fait à l'esthétique, à la philosophie de Flaming Whistle. Bonne écoute, à bientôt, à la semaine prochaine sur les mêmes ondes et bonne semaine avec Pinode. Ciao, ciao. Since my man and I ain't together, keeps raining all.